égo, âme et esprit. Ici, Daniel, quelqu'un m'a remis juste avant qu'on commence une définition du dictionnaire de l'égo, l'âme et l'esprit. J'aimerais ça la mentionner et puis la comparer avec ta définition. L'égo, c'est ce qui désigne depuis Kant. Pas Kant, mais Kant. K-A-N-T. L'âme humaine conçue comme unité. L'âme, principe... Ce n'est pas de l'ego, c'est de l'orgueil. Qui était Kant? Kant, c'est-à-dire? Kant, c'était un bonhomme. Il a vécu à quelle époque? C'est un grand scientifique qui a vécu et qui a amené plusieurs choses, autres que de la psychologie avec, là, mais c'est un des premiers à avoir tripoté l'ego, en fait, le terme. OK. Alors, c'est de l'orgueil. L'âme, principe spirituel dans l'homme par opposition au corps. Kant est surtout une personne qui a amené des principes de physique. Et puis l'esprit, plus un principe immatériel. Alors, principe si on prenait immatériel. L'ego et puis que tu donnais ta définition. Ben, l'ego, c'est le noyau d'une cellule. Ça a la faculté de se diviser. C'est à l'intérieur du noyau d'une cellule, donc de l'ego d'une âme, parce que l'âme, c'est la cellule. C'est à l'intérieur du noyau d'une cellule qu'on retrouve l'ADN, le code de génétique qui permet la division cellulaire. Au niveau de l'ego, c'est la même chose au niveau de l'âme. L'ego a la faculté de réincarnation. L'ego a la faculté aussi de manipuler autrui, donc d'engendrer des similitudes de lui-même vers l'extérieur, en l'occurrence par l'éducation. L'ego, c'est aussi... Le foyer central de l'identification de l'âme, donc de l'homme, dans le corps de l'homme. L'ego, c'est le « je », c'est le « moi ». L'ego, c'est une partie qui est cristallisée dans l'âme. L'ego est un processus qui provient de la réincarnation de mémoire astrale, de mémoire du monde de la mort dans le corps d'un homme, d'une femme, donc normalement d'un embryon à l'origine. Et l'ego appartient totalement au monde de la mort. L'ego n'appartient absolument pas au monde de la vie. Et la liaison, le corps qui permet la relation entre la vie et la mort s'appelle l'âme. L'ego habite donc l'âme et l'âme habite le corps. Le corps physique est une relation idéale parfaite dans la matière en ce qui concerne les choses mortes, le monde de la mort et les choses vivantes ou extra-mortuaires, le monde supramental, les cieux et le monde de la matière. Le corps physique, c'est donc la liaison, c'est l'expression de la vie qui est en contact avec l'expression de la mort, l'ego, par l'intermédiaire d'un médium qu'on appelle l'âme. Alors, l'ego n'appartient pas à l'homme. L'homme parle du « je », il parle de « moi », mais ça n'appartient absolument pas à l'homme, pas à l'homme cosmique, pas à l'homme dans le sens où je l'entends. Donc, pas à l'homme nouveau, pas à la femme nouvelle, pas à l'être humain. L'ego appartient au monde de la mort et les animaux humains ont des égos. Tandis que l'être humain n'a pas d'ego, parce que l'être humain appartient totalement au monde de la vie. Donc, l'être humain est instruit par un phénomène esprétique, donc l'esprit, et ça n'a rien à voir avec l'ego, qui est la mémoire expérientielle du passage de l'esprit dans la matière. C'est-à-dire que l'ego, c'est la mémoire, c'est une photographie de l'esprit. Alors, il y a énormément disons, d'humains qui s'identifient à la photo, et il n'y a à peu près pas d'humains qui s'identifient à l'original de la photo, à l'esprit. Alors, quand je dis que l'ego n'appartient absolument pas à l'homme, c'est que je veux dire par là que l'ego n'appartient pas à l'homme. Par contre, il y a énormément d'êtres humains qui s'identifient à un point tel dans leurs égos qu'ils ont l'impression qu'ils deviennent, qu'ils sont l'ego. Ou encore, ils vont dire « mon ego ». Et ils vont pouvoir dire « mon âme ». Je souffre dans mon âme. Donc, ils se prennent pour l'ego qui souffre dans le corps médium, l'âme. Le monde de la mort manipule l'homme par le biais de l'ego, c'est-à-dire que lorsqu'un être humain a de l'ego, il est facilement manipulable. Le monde de la mort manipule l'humain par l'ego à partir de soit des contacts du canal réincarnationnel qui est le nom même de la personne, soit par l'intermédiaire d'autres personnes, d'autres égos habitant d'autres âmes dans d'autres corps. Une personne qui a de l'ego est nécessairement égocentrique, c'est-à-dire qu'elle attire vers elle. Bon, regardons ceci. Le monde de la mort, c'est de la mémoire qui existe depuis un peu plus de 4,5 milliards d'années et qui, on parle du monde de la mort planétaire, ça va de soi parce que l'astral, le galactique, entre autres, l'énergie supramentale, existe depuis un peu plus de 15 milliards d'années. Alors, on parle du monde de la mort de notre planète qui a commencé son apparition, son expressivité, il y a de cela un peu plus de 4,5 milliards d'années. Et ce monde de la mort enregistre tout ce qui se passe simplement, tout ce qui se passe. Du point de vue atomique, du point de vue intra-atomique, du point de vue moléculaire, du point de vue cellulaire, du point de vue corpusculaire, du point de vue animal, du point de vue végétal, du point de vue minéral, tout ce qui se passe à travers l'évolution des contextes de densification des énergies. On appelle, nous, cela la création d'une planète Terre ainsi que sa maturation allée jusqu'à aujourd'hui où nous sommes dans l'adolescence de notre humanité. Nous approchons d'une crise. Alors, il y a donc dans ce monde de la mort de la mémoire et tout ce qui a été fait, tout ce qui s'est passé est mémorisé là dans l'actuel présent, même si ce sont comme des photographies du passé. Dans ce monde de la mort, il y a aussi de la cristallisation, c'est-à-dire qu'il y a des densifications d'événements similaires. Et la densification d'événements similaires engendre des agglomérats. Les agglomérats vont finir par se souder ensemble et cela va engendrer des égos. Et les égos dans le monde de la mort portent un nom qui s'appelle Dieu. Ce sont des égos du monde de la mort. Il y a donc des dieux. Et dans ces égos vont aussi essayer de s'arranger pour vivre dans une espèce de mémoire, disons un phénomène énergétique, disons un nuage mémoriel, qui leur plaît, c'est-à-dire qu'il y a la faculté de les nourrir. Et ce nuage mémoriel va lentement être paramétré à travers les milliards d'années d'évolution de notre planète, et ça va s'appeler les égrégores. L'égrégore dans le monde de la mort, c'est l'âme dans le domaine de l'homme. Et le Dieu dans le monde de la mort, c'est l'ego de l'égrégore, et va être le « je » et le « moi », le « je » ou le « moi » dans le domaine de l'homme, qui va être aussi l'ego de l'homme. Maintenant, il y a l'homme à l'époque de l'animal tout court, et non pas de l'animal humain, n'a pas d'ego, n'a pas d'âme. C'est de la matière physique qui est instruite d'un phénomène moronciel qu'on appelle l'instinct. Alors, il a la faculté de savoir quand avaler, quand déglutir, quand uriner, quand excréter, quand manger. Il sait ce que c'est que se protéger. Il ne souffre pas, donc le corps ne gèle pas. Alors, on va dire qu'il a le cuir plus épais, mais on a des humains qui ont du cuir très épais qui vont geler pareil. Il s'est question aussi de perception au niveau neuronique. Alors, ils sont bâtis pour survivre. On parle nécessairement de la préhistoire. À un moment donné, du monde de la mort va commencer à transparaître à l'intérieur du corps matériel de l'homme des égos. C'est-à-dire que le monde de la mort va devenir tellement compressé par l'intérieur que lorsqu'un corps physique commence à se créer, on parle d'un embryon, il y aura nécessairement dans cette compression du monde de la mort par l'intérieur l'apparition, la mémorisation, le soulagement du monde de la mort du point de vue de ses mémoires par la cristallisation de cette mémoire dans un corps physique. Cela va donc permettre au monde de la mort de soulager sa pression interne en permettant à une partie de sa mémoire d'être matérialisée dans le plan humain, entre autres, c'est-à-dire même dans les animaux. Alors, on aura l'apparition, outre les pteranodons, les ptérodactyles, les allosaurus, enfin les dinosaures et les ichthyosaures, on aura lentement l'apparition d'animaux et de végétaux qui se verront assujettis d'une partie mémorielle du monde de la mort parce que le plan planétaire a un périsprit très élastique, mais à un moment donné, il devient trop comprimé et la mémoire astrale commence à imbiber le monde de la matière. À cette époque, la matière n'a pas la densité que nous connaissons aujourd'hui, ce qui permet à ce monde de la mort de pénétrer la matière, et nous aurons jusqu'à aujourd'hui encore une partie du monde de la mort qui s'appelle l'enfer, qui part du centre de notre planète et qui va jusqu'à 10 à 11 pieds au-dessus des surfaces planétaires, des surfaces terrestres et des surfaces aqueuses, les océans entre autres. Alors, lentement, il y a donc dans ces végétaux et dans ces animaux une transcendance du monde de la mort, un soulagement mémoriel qui permet à l'être humain de naître, c'est-à-dire qui permet à l'animal humain plutôt de naître. Et cet animal, donc tous les animaux seront investis d'une arme, mais la biologie, la structure biologique, léguée par des descendants extraterrestres qui ont été temporairement stockés au niveau de notre Lune, vont commencer à accumuler chez eux de cette mémoire, et la mémoire va tellement être bien nourrie dans ce contexte humain que les égrégores vont commencer à investir tout ce qui est humain d'un arme. Alors, donc, il y aura une réplique du monde de la mort, une réplique des dieux dans l'animal humain. Alors, Dieu créera donc l'homme à son image et à sa ressemblance du point de vue du monde de la mort. C'est-à-dire que Dieu va investir l'animal humain parce que Dieu n'a pas de main. Par contre, Dieu va donc créer dans l'animal humain une ressemblance à l'intérieur de cet animal, de ce qu'il est lui-même, un ego. Et il va se servir de l'homme comme canal pour absorber de l'expérience et comme canal aussi pour le nourrir en tant qu'expérience, dans l'ego de l'homme. Alors, on peut dire qu'il y a l'ego dans le monde de la mort. Et à l'époque, il y avait des multitudes d'ego, alors il y avait des multitudes de dieux. Selon les expériences, l'expérience des volcans a créé un dieu des volcans, l'expérience du tonnerre a créé un dieu du tonnerre, et les gens avaient tort à l'époque quand ils croyaient à ça. Et puis finalement, à travers l'évolution des hommes, dans la conscience de l'homme, étant donné que le corps de l'homme avait la faculté d'accumuler plusieurs expériences divines, lentement, les dieux se sont soudés au niveau, les égos se sont soudés au niveau du corps de l'homme, et cela a obligé aussi une soudure au niveau des égrégores. Et lentement, on en est arrivé à un seul dieu. On a un commandement intéressant dans une religion particulière qui dit « Tu adoreras un seul dieu ». Mais on ne dit pas lequel. L'important, c'est que tu en adores un. Alors cette religion, tu fais adorer Krishna, tu accomplis les 10 commandements de la religion catholique. Parce que de toute façon, on ne dit pas lequel. Lentement, l'ego dans l'homme devient une espèce de paille. On connaît ça, la paille, on peut s'abreuver, on boit qu'une paille. Alors, la grosse paille, c'est notre système digestif, et puis notre système buccal, et puis on a une petite paille pour aller boire dans le verre. Quand on est bien cochon, on a 4-5 pailles. Les dieux sont extrêmement cochons, ils ont des millions de pailles. Alors, ils ont des millions d'êtres humains, sinon des milliards d'êtres humains assujettis à leur propre ego, par le canal réincarnationnel. Et là, l'être humain, dans son corps physique, à part son ego, vit des expériences qui nourrissent le monde de la mort. Et en même temps, il y a toujours et continuellement de la réincarnation 24 heures sur 24, histoire cela est engendré par le phénomène de l'échange d'énergie. Plus tu vis d'expérience, plus ça se réincarne et plus tu deviens assujetti, c'est-à-dire plus tu deviens efficace dans l'expérience que tu vis. On peut dire que tu prends de l'expérience. Et lentement, l'ego va donc habiter l'homme avec cette particularité des égos divins, des dieux, où l'être humain aura la faculté de finalement s'identifier à lui et de pouvoir dire « je suis ». Étant donné qu'il dit « je suis », les égrégores qui l'ont créé vont immédiatement l'instruire. « Tu es le cave parce qu'on t'a créé. Tu es poussière et tu retourneras poussière. » En réalité, l'ego n'est pas poussière, le corps physique est poussière. Le corps physique étant assujetti à un drainage énergétique du point de vue des dieux, de façon à ce que les corps physiques s'usent et vieillissent, de manière à ce que l'ego ne prenne pas trop de potentiel particulier, surtout de façon à ce que l'ego ne découvre pas un jour que l'ego, c'est de l'ego, et que c'est assujetti à un dieu dans le monde de la mort, à un dieu qui le manipule de A à Z et même de A à A. Et lentement, pour éviter ce genre d'évolution du point de vue de l'ego, de découverte expérientielle de l'ego, lentement, les dieux détruisent les corps physiques de l'âme et l'être humain meurt. L'âme, c'est le paramètre qui va permettre à un ego particulier dans le corps physique, dans un corps physique particulier, d'être préservé, d'être protégé du contact des autres égos, de façon à ce qu'un corps physique puisse jouir d'une expérience particulière et nourrir une partie particulière d'un égrégore divin, donc d'un égrégore céleste, et un autre homme, une autre femme, un autre enfant pourra vivre une autre expérience nourrissant une autre partie. Alors, donc, de ce égrégore, de ce monde de la mort, va donc être engendré l'âme chez l'homme. Nécessairement, l'âme va être créée avant l'ego du point de vue planétaire, et on aura maintenant la réplique exacte de ce Dieu et de ce ciel dans l'homme. Le royaume, par exemple, on parle du royaume des cieux, il est en vous. C'est une façon de parler. Le ciel aussi est dans l'homme, c'est l'âme. Et autour du ciel, il y a le périsprit, l'énergie vitale, le premier palier des cieux. C'est dans l'homme, dans le corps de l'homme. Dans le corps de l'homme, il y a les dieux, ou du moins un dieu. Dans le corps de l'homme, il y a le ciel. Dans le corps de l'homme, ce qui habite le corps de l'homme, il y a aussi les cieux. Et le royaume de Dieu est en vous, c'est tout à fait évident. Maintenant, il faut savoir quel Dieu. Mais le royaume de Dieu est effectivement dans l'homme. Qu'est-ce qui empêche l'homme d'avoir accès à ce royaume de Dieu? Dieu. Pourquoi? Mais Dieu n'est absolument pas intéressé à ce que l'homme. On parle de Dieu, on parle de Dieu dans le monde de la mort, le Dieu qui a engendré l'homme du point de vue de l'âme et du point de vue de l'ego. Le Dieu dans le ciel, et non pas évidemment les phénomènes créationnels au niveau des cieux. Parce que Dieu n'est absolument pas intéressé, et Dieu est déjà pluralisé au niveau du monde de la mort. Il y a déjà plusieurs dieux, et aucun dieu n'est intéressé à voir la concurrence grandir chez lui. Dieu n'est pas là. Toutes les religions, qu'est-ce qu'elles font les religions? Les religions, elles permettent à l'homme de nourrir les dieux. Elles permettent à l'homme de prier les dieux, de mettre de l'énergie dans le monde de la mort. Elles permettent à l'homme de se sentir coupable par rapport à des règlements particuliers engendrés par les dieux. Donc, l'être humain étant coupable, un peuple coupable n'est jamais un peuple qui se libère. Parce que chaque fois qu'il fait une chose qui est interdite par un gouvernement, il s'écrase et l'énergie qu'il a gagnée en se réveillant, il la consomme en s'endormant. Alors, les religions, les dieux, c'est la même chose. Ils ne veulent pas que l'humain se réveille. Par contre, il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est que le corps physique de l'homme a une utilité. Et cette utilité n'est pas celle de supporter un dieu, de supporter un ego divin, donc l'homme, du point de vue psychologique, égoïque. Et ce n'est pas non plus comme utilité, ce n'est pas celle de faire évoluer de l'âme. L'évolution du monde de la mort, l'évolution du ciel, est une évolution d'acquisition. Donc, toute forme d'évolution de l'ego est une égocentricité. On n'a pas le choix. L'ego n'évolue, si on peut parler d'évolution, que par agression et par attraction vers lui. C'est-à-dire que l'ego évolue en ce sens qu'il apprend. Pour apprendre, il doit prendre. Et en prenant, nécessairement, il l'attire vers lui. On appelle ça de l'égocentricité, de l'égoïsme. Et nécessairement, l'être humain est égoïste d'évolution. Il veut ramasser des expériences qui appartiennent à la vie et les faire siennes du point de vue de sa mémoire, donc de son expérience mortuaire, mémorielle morte. Et toute forme d'évolution de l'ego est en réalité un apprentissage. Il prend et il se tisse des trames. Lorsque nous parlons d'évolution réelle, nous parlons de mutation. Tandis que l'ego ne mute pas. L'ego a appris depuis des milliers d'années qu'il doit aimer son prochain comme lui-même. Il a appris depuis des milliers d'années que la paix est préférable à la guerre. Il apprend à l'ego. L'ego, il apprend, se sent coupable, il ne peut pas rien faire. Pourquoi? Parce que c'est les dieux qui manipulent l'homme. Quand je parle des dieux, les dieux sont eux-mêmes manipulés par l'homme. Ce qui me fait dire de temps en temps que l'être humain est manipulé par personne. Alors, l'esprit. Ce qui est remarquable dans, dans l'exposé que tu viens de faire de l'ego et l'âme, Daniel, c'est ceci, c'est que l'ego se forme à partir de mémoires d'accumulation de plusieurs années, de 4,5 milliards d'années, tu as mentionné, et puis probablement supporté, si j'ai bien compris, par 15 milliards d'années de mémoire galactique. Étant de la mémoire, l'ego se forme, mais cet ego-là permet à des nouvelles mémoires de venir s'installer. Peux-tu expliquer le mécanisme, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, de façon à ce que l'ego puisse s'abreuver de mémoire, se créer plutôt que s'abreuver, s'abreuver après, puis après aller chercher du nouveau pour envoyer dans le monde, dans le même monde? Bon, premièrement, on doit comprendre immédiatement que le périsprit du monde de la mort, c'est-à-dire que l'enveloppe qui entoure la planète Terre et qui permet la conservation planétaire de toute l'expérience que nous connaissons ici, est une enveloppe qui n'est pas de l'énergie comme nous la connaissons du point de vue de la matière, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'énergie vitale telle que nous la concevons du point de vue atomique, celle qui permet les liaisons covalentes, moléculaires, etc. Ce n'est pas de l'énergie comme nous la concevons du point de vue photonique, du point de vue lumineux, électronique, électrique, électromagnétique. Ce n'est pas de l'énergie non plus motrice, dans ce sens que ce n'est pas une énergie qui peut faire bouger une roue à aube, comme de l'eau peut être de l'énergie ou de l'essence par combustion. Cette énergie qui est le qui paramètre le périsprit du monde de la mort est une énergie extrêmement particulière qui est continuellement en train de se diminuer. C'est-à-dire que la membrane du monde de la mort dans lequel se trouve notre monde planétaire est une membrane qui est engendrée par la courbure du temps et de l'espace à travers une évolution relativement particulière dans une région qui n'a ni coordonnées spatiales ou temporelles. C'est-à-dire que la courbure spatio-temporelle qui prévaut autour de notre planète empêche totalement toute forme d'échappatoire du point de vue des énergies expérientielles du monde de la mort. De ce fait, notre expérience planétaire, notre ciel, est totalement confiné, est écrasé sur le bloc de matière qu'est la Terre. Première chose, cela veut dire que plus nous créons de l'expérience, plus nous augmentons la pression dans le monde de la mort. Pression dans le ciel. Plus nous augmentons la pression dans le ciel, plus nous augmentons le processus de réincarnation. Donc, normalement, on a de plus en plus d'humains dans l'actualité présente sur notre planète. On a déjà eu quelques millions d'humains, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, on est rendu à 5 millions, 5 milliards, 300 millions et quelques 100 000. Eh bien, c'est normal. Par contre, ce qui arrive, c'est qu'étant donné qu'il y a cette pression, étant donné que le monde de la mort est totalement comprimé par la courbure spatio-temporelle autour de notre planète, le monde de la mort est totalement confiné à rester conjoint à notre Terre matérielle. La problématique, c'est que, étant donné que l'être humain a la faculté, l'homme, la planète Terre entre autres, a la faculté d'engendrer de nouvelles expériences, il y a continuellement de l'énergie cosmique solaire, etc., qui pénètre ce monde de la mort. Et on a même certains phénomènes, disons, astrales de d'autres planètes qui sont appelées extraterrestres, qui pénètrent chez nous et qui viennent augmenter le potentiel de masse d'énergie sur notre plan planétaire. Plus notre potentiel de masse d'énergie est grand, donc plus l'être humain a la faculté de transmuer l'énergie qui traverse ce monde de la mort en expérience mémorielle, ce qui d'ailleurs fait partie de nos stimulations évolutives, comme de l'expérience, la stimulation astrale, la stimulation émotive de l'homme. Cela engendre, cela a créé une augmentation dans le monde de la mort de sa masse énergétique, et cela aussi engendre dans le corps physique de l'homme une augmentation de sa masse matérielle et de sa masse atomique. Cela engendre donc une mutation extrêmement lente, qui fait que plus la densité massive, plus la masse de l'humanité planétaire, donc ainsi que son système matériel, la Terre, augmente, plus la courbure spatio-temporelle a tendance à se rapprocher de notre monde, de notre planète Terre. Donc, plus nous évoluons, plus nous comprimons le monde de la mort sur nos têtes. Plus nous évoluons, plus nous risquons donc de devoir exprimer des phénomènes réincarnationnels du passé ou d'un passé très lointain qui n'est pas nécessairement très bon. Plus nous évoluons, plus nous risquons donc de nous diriger vers un apocalypse. Un apocalypse qui va voir la densification expérientielle du monde de la mort augmenter à un point tel que la configuration géospatiale au spatio-temporel du continuum qui entoure notre planète Terre, va être tellement comprimé sur notre bloc planétaire que finalement le monde de la mort sera totalement projeté dans la matière de l'homme. Donc le monde de la mort cessera totalement d'exister et l'être humain devra supporter, du point de vue de sa structure biologique, toutes les particularités du monde, d'un monde de la mort qui a des affinités avec sa structure biologique, endocrinienne, cérébrale, etc. Donc, dans un laps de temps quelque peu restreint, le monde de la mort cessera totalement d'exister, ce qui va donc devoir donner comme résultat du point de vue de l'homme, c'est que tous les dieux vont redescendre sur la terre, donc il y aura un retour des dieux du point de vue matériel, et nécessairement ce retour des dieux ne se fera pas dans des corps qui vont apparaître. Mais certaines personnes vont se révéler à être des dieux pour la simple raison qu'ils serviront à contenir l'ego de Dieu. Alors, à un moment donné, il y aura possiblement la projection totale dans le monde de la matière d'un bonhomme qui pourra porter le nom de Maitreya, un autre qui pourra s'appeler Yahvé, un autre qui pourra s'appeler Jéhovah, un autre qui pourra s'appeler Eshnu, un autre qui pourra s'appeler Manitou. On aura la projection de ces égrégores divins dans le corps de l'être humain. Mais normalement, un être humain, à cette époque, certains humains auront la puissance biologique, donc le leg génétique, suffisamment solide pour supporter un égrégore divin. La majorité ne le pourront pas. Et nécessairement, il y aura une recrudescence du point de vue du fanatisme religieux, c'est-à-dire qu'un égrégore divin ne pourra pas faire autrement que de se pluraliser dans différents corps. Alors, on aura 1000, 2000, 10 000, 20 000, 300 000, un demi-million, un million d'individus qui accréditeront totalement un Dieu plus qu'un autre. Et comme jamais ça ne s'est fait, parce que Dieu se sera réincarné à travers tous ces individus, parce qu'il n'aura pas trouvé de corps suffisamment solide pour le réincarner à lui tout seul. Cela va engendrer l'autre phénomène, que l'être humain ne pourra plus mourir, étant donné que le monde de la mort n'existera plus. Donc, lorsqu'une personne se suicide, immédiatement, elle se voit à travers les yeux de l'autre, parce que lorsqu'elle se tue, elle se réincarne immédiatement dans le corps d'une personne qui est en affinité avec elle, et elle peut même se voir tomber. Alors, elle se rend compte qu'elle n'est pas morte, elle a beau rechercher la mort, elle ne peut pas la trouver. On parle nécessairement dans quelques centaines d'années, au niveau planétaire. Alors, lorsque nous allons vivre cela, il y aura nécessairement l'effondrement total du monde de la mort. Premièrement, par la courbure géospatio-temporelle engendrée par l'accumulation de masse d'énergie de l'homme, enfin du contexte évolutif humain. Et en même temps, il y aura l'écrasement total de ce monde de la mort, ce contexte planétaire, parce qu'il sera entouré par de l'énergie spiritique, donc par l'esprit, qui est toujours présent et qui attend simplement que le monde de la mort disparaisse de façon à pouvoir venir toucher l'homme sans avoir à traverser par des schémas de coloration qu'on appelle la psychologie, qu'on appelle aussi la spiritualité. Alors, lorsque cela arrivera, l'être humain sera totalement égoïsé, l'être humain sera divin. Mais d'une divinité qu'il recherche depuis longtemps, mais d'une divinité qu'il va abandonner très rapidement, parce que cette divinité est une divinité colorée, une divinité mémorielle, une photographie de tous les dieux placés en même temps dans sa conscience. Alors, à cette étape, l'être humain aura la faculté de digérer totalement les dieux, parce qu'il sera confiné à entrer en contact avec son intelligence, avec l'esprit, et l'esprit à l'intérieur de l'homme viendra fragmenter en énergie, viendra énergiser, donc continuer à évoluer la structure divine du ciel, les structures divines célestes, pour permettre à l'être humain de devenir totalement éthérifié, avoir un dôme éthérique, avoir un corps éthérique, et être en contact total avec le monde céleste, avec le monde cieleste plutôt, avec le phénomène, disons, supramental pour commencer, bouddhique par la suite et intentionnel, appelé divin, d'une autre forme de divinité. Est-ce que c'est la même forme qu'on va connaître à ce moment-là, mais à un niveau beaucoup plus élargi? Périsprit galactique. Oui, il y a aussi un périsprit galactique, effectivement, qui n'est pas une courbure spatio-temporelle autour de notre galaxie. C'est plutôt l'accumulation, la friction d'énergie bouddhique qui, dans la... Il faut comprendre que l'énergie bouddhique, disons que là, on s'éloigne un peu de notre contexte planétaire, mais l'énergie bouddhique a la faculté de déplacement linéaire et d'une linéaritude qui n'est pas courbable par le système spatio-temporel que nous connaissons du point de vue de notre vision planétaire. Lorsqu'un astronome ou lorsqu'un astrophysicien observe le monde de la planète, il ne peut faire autrement que de voir le monde à partir de la coloration de notre propre galaxie, à partir de la coloration galactique. Donc, il ne peut pas faire autrement que de voir l'univers comme étant régi par des lois qui nous régissent nous-mêmes. Sauf que nous parlons de courbure au niveau créationnel, mais au-delà d'une galaxie, il n'y a pas de courbure. Et l'énergie bouddhique qui circule a une friction particulière sur un contexte courbé, qui est celui que nous vivons dans notre contexte planétaire, c'est le quadridimensionnel, en l'occurrence le temps, la hauteur, la largeur et la profondeur. Et la friction entre une structure quadridimensionnelle, qui est une concaténation, un écrasement de 13 dimensions créationnelles en 4 dimensions que nous connaissons aujourd'hui, oblige, c'est-à-dire engendre une friction particulière qui est la structure périsprétique d'un système de galaxies. Alors disons que c'est autre chose. Ok, tantôt tu commençais à parler de l'esprit. Bon, alors si on revient un petit peu sur ce phénomène, oui. Premièrement, comme je te disais tout à l'heure en bas, l'être humain, l'homme actuel, peut croire en l'esprit. Il peut croire qu'il est esprit. Il peut espérer que l'esprit existe. Il peut espérer qu'il est l'esprit. Mais l'homme actuel ne peut pas savoir qu'il est de l'esprit. Alors, l'homme peut apprendre qu'il est de l'esprit, mais ne peut pas le savoir. Aucun être humain sur la planète présentement ne peut vibrer le fait qu'il est de l'esprit. Tous les humains sur la planète vibrent le fait qu'ils sont de l'âme, qu'ils sont de la psychologie, qu'ils ont de l'émotion, qu'ils sont capables d'avoir peur, qu'ils sont capables d'espérer. Ils ont des contacts avec des mondes spirituels du monde de la mort, avec de l'apprentissage spirituel, de l'expérience spirituelle. Mais aucun animal humain, aucun humain et aucun être humain actuellement présent sur la planète ne peut savoir, à part un ou deux exceptions, et pas plus, ne peut savoir qu'il est de l'esprit. L'être humain est biconscientisé. Il a une double dimension au niveau de la conscience. Il a une conscience espritique reliée à l'esprit, et il a une conscience spirituelle, même si on dit que spirituel vient du mot spirit qui veut dire esprit. Il faut faire attention parce que quand quelqu'un fait de l'esprit, il est comique. Quand quelqu'un voit un esprit, c'est un fantôme. Quand on fait de la spiritualité, finalement, on nourrit le monde de la mort. Alors, il y a donc la spiritualité qui est confinée à la coloration de l'esprit dans le monde de la mort et l'espiritualité qui est reliée à l'esprit. L'être humain a une dimension double. Il a une conscience qui est planétaire, une conscience spirituelle, et en dessous de la conscience spirituelle, il y a la conscience vitale, la vie, conscience de la vie, conscience d'être là, et la conscience matérielle, la matière physique. Au-delà de la conscience spirituelle, donc la conscience qui est obligatoirement confinée au monde de la mort de notre planète, et il n'y a aucun être humain actuellement présent sur notre planète Terre, à part quelques rares exceptions, je ne parle même pas des grands maîtres qui sont plus perdus que bien des gens. Je parle de quelques très rares exceptions qui sont reliées à des contingents melchisédiens ou autre chose, qui, eux, savent du point de vue de l'expérience de leur ego, qu'ils sont de l'esprit. Et eux ont donc cette bilocation de conscience, donc un contact supramental conscientisé, donc une bilocation supramentale, et une conscience planétaire, une conscience humaine, une bilocation planétaire. L'être humain qui vit est totalement bidimensionnalisé du point de vue de sa conscience, sauf que la matière ici a fait en sorte que l'être humain s'identifie totalement à seulement une partie de sa conscience qui est une copie, plus ou moins maganée, de la deuxième conscience. Il y a la conscience créationnelle qui permet à l'être humain d'être engendré du point de vue cosmique, et il y a la conscience événementielle, la conscience expérientielle qui permet à l'être humain d'être engendré du point de vue du résidu de la création, c'est-à-dire qu'il y a l'être humain engendré et il y a la mémoire de l'engendrement de l'humain. Il y a l'être humain engendré, cette action même qui est de l'instantanéité, et il y a les traces spatio-temporelles qu'on appelle la mémoire du temps, la mémoire de cette création. Étant donné qu'il y a l'action et la mémoire de l'action, les deux, pour une conscience créationnalisée, donc une conscience créée du point de vue de notre création, qui est un univers, un studio qui est une création, qui contient plusieurs super-univers, dans lequel évoluent des univers, dans lequel sont situées des galaxies, où nous retrouvons des systèmes solaires et des planètes comme la nôtre. Alors, lorsque nous avons ce phénomène créationnel, il y a toujours une mémoire de la création, et ces deux schémas sont la conscience et la mémoire de la conscience. La mémoire de la conscience, c'est une photographie, non pas bidimensionnelle, comme nous avons présentement, hauteur et largeur, on n'a pas de photographie encore à trois dimensions, on parle d'hologramme, mais c'est une photographie dans 13 dimensions, qui a la faculté d'être, pour du point de vue d'elle-même, totalement identique à l'original, à l'événement, et non pas à l'expérience de l'événement. Étant donné que dans la création, il y a et de l'événement, donc de l'instantanéité, et de la mémoire d'instantanéité, il y a donc deux consciences. Dans ces deux consciences, nous pouvons retrouver la densification maximum de ces deux consciences dans un contexte comme notre planète. Il y a quelques autres planètes qui vivent de ce genre de phénomène, même s'ils n'ont pas des structures, disons, utilitaires comme l'homme. Alors, nous avons donc ces deux consciences qui ont une tendance à se rejoindre, c'est-à-dire que chaque fois que l'instantanéité progresse, la mémoire de l'instantanéité progresse. Et il y a la structure qui permet la liaison entre les deux, et cette structure-là est un corps physique de la matière, qui est la matière de l'instantanéité, Dans la matière, il y a la mémoire de l'instantanéité qui permet la croissance de la matière. On parle de génétique. On parle aussi de la croissance au niveau des plantes, des animaux et des hominaux. Et il y a donc, dans le contexte de l'homme, la possibilité d'unir les deux. L'instantané et la mémoire de l'instantané. Cela engendre donc un animal, un être animal, qu'on codifie normalement sur le terme d'humain, qui est entre les deux. Moi, je parle d'animal humain, je parle d'être humain, dans les transitions évolutives entre l'homme et le surhomme, entre la femme et la surfemme, ça va de soi. Et on a donc ces deux consciences ici, qui sont très, très proches l'une de l'autre. Le problème, c'est que dans le contexte planétaire, si nous plaçons nos consciences de notre façon, donc comme ceci, la conscience planétaire, celle qui est la mémoire, est la plus proche du contexte de matériel biologique qui constitue notre corps. Alors, nécessairement, il y a, dans cette conscience ici, il y a une grande, grande partie de la conscience volutive. Centré dans la conscience astrale, donc dans la conscience spirituelle, donc dans la conscience de l'ego, donc dans la conscience de l'âme. Étant donné que cet ego, cette âme et cette conscience est la copie de l'esprit, l'homme pourra croire qu'il est de l'esprit. L'homme pourra croire qu'il est associé de l'esprit. L'homme pourra espérer, l'homme pourra penser, l'homme pourra théologiser, philosophiser sur le phénomène de l'esprit. Mais l'homme ne peut pas savoir, sur notre contexte planétaire actuellement, qu'il est de l'esprit. Et c'est pourquoi, par exemple, quand je fais le séminaire, il y a des personnes qui ont, à un moment donné, une espèce de fièvre. Où ils essaient de discerner ce que nous voulons dire lorsque nous parlons. Je parle à quelqu'un, je peux lui dire, « Toi, tu es totalement génial. » La personne me dit, « Ben, je ne vois pas pourquoi. » Et là, je lui réponds, « Pas à toi que je parle! » Et là, la personne, elle dit, « Ben, c'est pas moi que tu parles, tu me regardes. » Là, je peux lui expliquer que ce à quoi je parlais depuis là, là, c'est son ego qui est là. Là, c'est son âme qui est là. Pas ça, je parlais. Ça, c'est trop de cul. C'est pas bon. Ça vaut rien. Tout à l'heure, il y avait un peu d'intelligence, il y avait un peu d'esprit dans l'individu. Je parlais à son esprit. Et je lui disais, toi, tu es génial. Et là, l'ego, hein? Quoi? Moi? Et puis là, l'esprit est parti. Et puis, non, plus toi. La personne, à un moment donné, là, de la difficulté arrivait à saisir. Et à un moment donné, dans l'évolution de l'âme, il y a ce discernement qui doit apparaître. Quoique 95% de l'individu en phase d'évolution, de conscientisation ou de supramentalisation continue encore pendant un grand bout de temps à se percevoir comme étant de l'ego. Oui, mais j'ai faim. Ton corps a faim, mais tu n'as pas faim. Ton ego peut être faim. Pas toi. Pas toi en tant qu'esprit. Et nécessairement, celui qui parle n'est pas l'esprit. Et bien souvent, l'être humain ne laissant pas, c'est sûr que l'être humain ne laisse pas parler son esprit. Et bien souvent, l'être humain peut aussi simplement s'illusionner qu'il y a de l'esprit. Oui, mais un instant, c'est mon esprit qui parle. Mais si c'est ton esprit qui parle, c'est pas toi qui parles. Ce n'est pas, c'est mon esprit. Alors, il y a plein de petits jeux comme ça qui passent inaperçus pour celui qui se prend en sérieux, qui complique la chose. On parle d'ego, d'âme, qui l'enveloppe, et l'esprit qui va tout venir de détruire ça à un moment donné. L'être humain est bi-conscient dans deux dimensions, et l'être humain, présentement, ne peut voir sur le plan planétaire, que sa dimension collective, que sa dimension photographique de l'intelligence. Alors, l'être humain n'est pas intelligent, mais il est intellectuel. L'être humain n'a pas accès à un savoir instantané. L'être humain a accès à un savoir expérientiel. Donc, il doit étudier, il doit apprendre avant de connaître, de dire qu'il sait. Un être humain qui ouvre un moteur d'avion-réaction, un être humain ordinaire, il ne connaît absolument rien du moteur. Franchement, ça le dépasse. Pourquoi? Parce qu'il est expérientiel. L'être humain qui a une conscience instantanée, ça ne le dépasse pas. Mais tout ça, OK. Ça veut dire, Daniel, des gens qui avaient une conscience instantanée pour construire ce moteur-là. Exact. Pour juste amener dans la conscience de l'homme que ça se trouvait. À ce moment-là, ça n'a pas été mis dans l'astral. Ou ça n'a pas été mis dans l'astral par l'astral de l'homme. Non. L'astral ne crée rien de neuf. Il parle du vieux. Par contre, l'être humain est totalement... Le monde de la mort est constamment entouré. Tout à l'heure, j'expliquais du phénomène esprit, donc de la conscience supplémentaire. Cela veut dire que le contexte de notre planète est totalement enrichi par de l'intelligence. On pourrait dire que l'astral, le monde de la mort, serait comme une éponge qui absorbe à l'occasion de l'esprit pour enlever le Bon. Alors, oui. peut dire qu'il y a l'homme, et il y a de l'intelligence trop puissante, et il y a une grosse mémoire tampon qui est le monde de la mort, le ciel, les dieux, l'âme, qui viennent tout colorer ça de façon à ce que la petite matière puisse arriver à comprendre. Et en même temps, on peut dire aussi qu'il y a l'homme entouré par nos ennemis, mais tous nos alliés entourent nos ennemis. Et le plan, les cieux. On est entouré par nos ennemis, le ciel. Et on va dire, oui, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour nous envahir? Bien, ils attendent simplement, c'est un économe d'énergie, alors ils envoient de temps en temps des petits espions qui viennent nous aider, et puis à un moment donné, on sera suffisamment puissant nous-mêmes pour carrément, on pourra attaquer tous les deux fronts, de l'intérieur et de l'extérieur. Ou on peut dire aussi, du point de vue des forces du mal, que l'être humain, eh bien, nous sommes tous des traîtres. Du point de vue des forces du mal, c'est intéressant, effectivement, oui. On est tous lucifériens. Et à travers l'évolution luciférienne, il y a des êtres humains qui deviennent plutôt yaviques, qui deviennent plutôt supramentales. Alors, on peut finalement dire que l'être humain a été pourri à l'époque, puis que présentement, la pourriture est en train de pourrir encore plus, c'est nous autres, hein, du point de vue nécessairement des forces du mal, qui pourri plus pourri donne pas pourri. Alors, finalement, à travers ce qui est pourri, du point de vue des forces cosmiques, commence à est en train d'évoluer quelque chose qui n'est pas pourri, qui est l'homme, pour finalement engendrer autant d'intelligence au centre de ce qui est involutif que ce qui est à l'extérieur de la structure d'évolution. Et nécessairement, l'être humain devient encore une fois la solution à la création. Parce que les créateurs ont de gros problèmes avec la création. Pas avec l'homme. À qui, quel créateur que tu veux? Il n'y a pas de nom. La chose. Non, le centre source est un phénomène qui est créé et c'est le centre source, c'est par cette région, je dis région, ça n'a pas de coordonnées, que provient. Bon, le centre source, c'est dans cette région que rentre tout ce qui est. Je vais arriver à mettre les mots là-dessus. Tout ce qui est utile au soutien de notre création. Ça pénètre de façon instantanée, ça devient très personnalisé, ça devient événementiel, ça devient existentiel, événementiel, ça devient personnalisé, ça devient expérientiel, donc mémoriel, puis ça devient identique. C'est le temps que ça le prend, madame. Ok, si on en revient, Daniel, juste près de la terre, égo, âme et esprit. On n'était pas très très loin. C'est prêt pour, disons, parler de l'âme et l'esprit et l'égo. Tantôt, tu as mentionné que le corps physique était le support de l'esprit. Est-ce que les trois sont arrivés en même temps? Non. La conscience esprétique de l'homme est arrivée sous forme d'égo dans le monde de l'homme. Elle est arrivée sous forme d'âme dans l'homme, par la suite sous forme d'égo dans l'homme, et finalement sous forme de mental dans l'homme, pour par la suite arriver sous forme d'intelligence dans l'homme. Le problème, c'est que l'intelligence supramentale, l'Esprit Saint, disons, de l'antique religion, l'intelligence supramentale, l'énergie christique des alchimistes, donc le Christ, cette énergie, elle arrive présentement depuis 1967, plus ou moins. Il y a toujours eu des pénétrations, soit médicétiennes, soit de d'autres ordres à travers le temps. Alors, il y a eu, ces derniers temps, il y a eu Krishnamurti qui avait un contact supramental, il y a eu Aurobindo, il y a eu d'autres personnes un peu avant. Et il y en a toujours quelques-uns. Mais du point de vue collectif, massif, nord planétaire, surtout au niveau Québec, bouclier canadien entre autres, c'est depuis 1967, on peut dire 1967-69, que les contingences d'énergie supramentale arrivent, donc que l'esprit descend. L'esprit est arrivé avant, mais l'esprit est arrivé tellement coloré que si on veut parler de l'esprit en tant qu'esprit, c'est maintenant que ça commence, du point de vue collectif. Alors, l'esprit a un problème. Si ça arrive maintenant du point de vue collectif, tantôt tu disais que l'homme ne peut pas, l'être humain présentement, ne peut pas ressentir l'esprit à part un ou deux ans. Il ne peut pas avoir de conscience qu'il est de l'esprit. Il va ressentir de l'esprit. À un moment donné, il va se perdre et puis il va se retrouver. Et il va dire, tabarnouche, j'étais chanceux. Bon, mais il est quand même capable d'exprimer l'esprit. À un moment donné, il va avoir un contact illuminatif, c'est-à-dire qu'il aura énormément d'énergie qui va traverser son système endocrinien, et cela engendre au niveau du système thalamien, du thalamus, une décortication qui ressemble à une grande, grande lumière pour l'âme. Et là, l'ego, encore une fois, va dire « Waouh, j'ai un contact avec Dieu ». Mais c'est la conscience reste du reste humain, alors qu'il a des contacts avec de l'esprit. À un moment donné, il comprend quelque chose qu'il ne comprenait pas. C'est la même chose, il vient de décoder un phénomène espritique. Sauf que sa conscience, il ne sait pas qu'il est de l'esprit. Il peut s'en vanter, il croit qu'il en est, mais il ne peut pas le savoir. Même s'il le manifeste. Même s'il le manifeste. La radio ne sait pas ce qu'elle est. Elle manifeste n'importe quoi, elle ne sait pas ce qu'elle est. Une radio, ça peut aussi engendrer des parasites. Ça n'a même pas besoin d'antenne. Ça, je ne sais pas. On va écouter l'antenne. Les postes émetteurs. Alors, l'être humain est le poste émetteur et le poste récepteur. Et présentement, il se prend pour le poste récepteur. Alors, il recherche toujours un contact avec une entité particulière qu'il essaie de contrôler. C'est lui. Sauf que la partie qu'il veut contrôler, c'est la radio. Elle ne contrôlera pas l'émetteur. Elle doit se contenter de recevoir. L'homme a donc une âme. Il a de l'ego. L'ego est ce qui permet à l'homme de s'animer. L'ego est la réplique de Dieu, qui est la réplique de l'intelligence. Parce que Dieu n'est pas intelligent. Quand on parle de toutes les religions, on dit que Dieu crée à l'homme. Il n'est pas intelligent. Après ça, Dieu a créé les brontosaures. Il a créé les diplodocus. Il a créé les ichthyosaures. Il a créé les archéoptérix. Et après ça, il s'est rendu compte que c'était trop pesant. Il a tout fait détruire. Dieu a créé les grandes fougères à 50 pieds de haut. Finalement, a créé une époque glaciaire. Hein, qui a vu balayer les choses un peu. Et puis, Dieu a créé les îles Galapagos pour finalement créer des déserts ailleurs, dans le Sahara, par exemple. Dieu a créé des océans pour créer des raz de marée. Dieu a créé des volcans. Dieu a créé une planète Terre avec des boutons et de l'acné partout. Dieu a créé des structures chimiques qui peuvent permettre à l'homme d'engendrer des bombes, qui peuvent permettre à l'homme de polluer. Bon, c'est de restant. Dieu a créé l'ozone pour protéger l'homme des rayons ultraviolets. Moi, si j'aurais été Dieu, je n'aurais pas créé les rayons ultraviolets. On va faire une couche d'ozone. Alors finalement, faites attention, quand on parle des dieux du monde de la mort, les dieux ne sont pas intelligents. L'intelligence, c'est autre chose. L'intelligence, ça n'a vraiment rien à voir avec l'intelligence ou avec le phénomène spirituel qui fait penser. On parle de loi, les lois de Dieu. Il n'y a aucune loi de Dieu qui est intelligente. Je sais que les dieux ne sont pas intelligents, mais tantôt tu mentionnais que l'esprit vient se faufiler à travers... Ah oui! À travers cette mémorisation. C'est autre chose. Alors, automatiquement, ils permettent à l'homme d'obtenir de l'intelligence afin de C'est parce que les dieux ne sont pas intelligents qu'ils permettent à l'intelligence de traverser le monde de la mort et d'arriver à l'homme. Ah, ça va de soi. L'intelligence a créé les dieux inintelligents. L'intelligence a créé les mammouths inintelligents. L'intelligence a créé les maringouins inintelligents. Et l'intelligence a créé l'homme inintelligent. Par contre, à travers toutes les structures temporelles, spatiales, matérielles, une structure complexe, une orchestration matérielle se doit de devenir le réceptacle de l'intelligence. Et le corps de l'homme a été conçu, c'est la conceptualisation biologique la plus adéquate. Et maintenant, l'homme, qui n'a pas été conçu intelligent, est maintenant tout proche d'un contact avec de l'intelligence. Alors, l'homme a de l'intellectuel. Alors, ça, c'est bien correct. Mais l'homme n'a pas d'intelligence. Et pour ceux qui ne savent pas ce que j'entends par intelligence, l'intelligence, c'est qu'on n'a pas besoin de réfléchir pour savoir une chose. Ça, c'est intelligent. Quand on se demande où est-ce qu'on est, c'est pas d'intelligence. On a besoin d'avoir une carte, de connaître la place. Ça, c'est de l'intellectuel. Quand on est obligé de se poser des questions, ce n'est pas de l'intelligence. Quand on ne sait pas ce qui est bon à manger, ce qui n'est pas bon à manger, ce n'est pas d'intelligence. Il n'y a pas d'humain intelligent sur la planète Terre. Il y a beaucoup d'humains intellectuels. Et leur intellectuel, c'est de temps en temps manipulé par des contingences intelligentes. Mais l'intelligence n'appartient pas encore à l'homme. Elle est en train d'appartenir à l'homme. Si je comprends bien, Daniel, ce que tu mentionnais tantôt, là, on pense que le corps physique est un support qui a servi à ce que l'âme puisse venir s'installer. Mais c'est que l'ego qui fait partie intégrale, c'est la partie centrale de l'âme. Pour que venir servir de tampon à ce que l'esprit commence tranquillement à pouvoir donner de plus en plus de cette intelligence, c'est-à-dire que de manifester encore dans le corps physique, qui sert encore de support pour que l'esprit vienne se manifester. perspective. Lorsque tu as mentionné tantôt que ce pur esprit autour de la planète Terre a tendance à se rapprocher constamment, et puis qu'à un moment donné, ça va éclater, et puis c'est dans le monde, ce qui est contenu à l'intérieur va imploser ou va se, pas nécessairement disparaître, mais va se résorber de façon à ce que on imagine que l'esprit va pouvoir à ce moment-là se manifester plus librement dans le support qui est en physique de l'homme. C'est que quand on parle d'esprit, bien souvent, on essaie de placer l'esprit. L'esprit, c'est ce qui, c'est la flamme de l'homme. Bon, mais c'est faux. L'esprit, c'est l'esprit de Dieu plane sous les océans. C'est faux. Si on le regarde d'un autre point de vue, est-ce qu'il n'y avait pas de réalité? Mais il y a de la réalité dans tout. Sauf que ça dépend du point de vue où on se place. Du point de vue cosmique, les dieux ne sont pas intelligents. Du point de vue de l'homme, les dieux vont être intelligents. Du point de vue des dieux, l'homme n'est pas intelligent. C'est pourquoi les dieux lui mettent des commandements, des règlements. Bon. Mais du point de vue de l'homme, l'homme est intelligent. Du point de vue de l'homme, les crapauds ne sont pas intelligents. Du point de vue du crapaud, ben, les crapauds sont intelligents. Bon. Ça dépend d'autres du point de vue où on veut se placer. Parce qu'on peut voir l'évolution telle qu'elle peut être perçue d'une extra-terrestrialité de notre lieu, donc à l'extérieur même des contextes qui cohabite avec l'homme dans sa conscience, et là, on a une version plus authentique de ce que c'est que l'homme. Et on peut aussi prendre un point de vue humain ou un point de vue spirituel humain, et là, avoir une autre version totale. C'est sûr que si je me mets en dessous des dieux pour essayer de comprendre le monde, eh bien là, les dieux ont créé le monde. Les dieux ont créé la terre, les dieux ont créé le ciel, les dieux ont créé l'homme à son image, sa ressemblance, les dieux ont créé la bonté, et puis l'homme a créé le malheur, et puis etc., etc. Sauf que si je me place à l'extérieur du monde de la mort, à l'extérieur des dieux, du royaume des dieux, eh bien là, j'ai une autre version totalement différente. Et si je m'éloigne encore pour arriver, pour m'extraire du système galactique, alors j'ai une autre vision. Surtout qu'il y a énormément d'autres dimensions qui cohabitent avec nous et qui sont cristallisées, qui sont tout à fait écrasées dans notre système à nous. Nous pensons vivre à 4 dimensions, mais le temps contient plus qu'une dimension. Et l'être humain a de temps en temps la faculté psychologique de jouer dans certaines formes de dimensions du temps. Alors, il aura un temps qui passe lentement, un temps qui passe vite. Ce n'est pas tout à fait du temps, mais ça semblera quelque chose comme ça pour lui. Je vais dire, le temps est élastique, mais le temps n'est pas élastique. Si le temps passe lentement pour moi parce qu'il est élastique, il devra passer lentement pour tout le monde, parce que c'est le même temps. Sauf s'il y a des dimensions dans le temps. Il y a aussi des dimensions dans la matière. Nous sommes dans une dimension tellement densifiée que malgré que mes deux mains soient absolument remplies de trous, ils ne peuvent pas passer l'une dans l'autre. Même s'il y a de la place. Dans une dimension galactique, si deux galaxies se rentrent en collision, les galaxies sont constituées de milliards et des milliards d'étoiles, et qui autour duquel traînent des milliards de planètes. Si deux galaxies entrent en collision, on a une chance sur des milliards qu'une étoile en frappe une autre. Ils vont se traverser, comme si rien n'était. Mais il y a autant d'espace si on fait la relation du Soleil, la distance entre chaque Soleil et la distance entre chaque atome. C'est identique entre les galaxies et la structure matérielle, atomique que nous avons sur notre planète Terre. Mais nous, nous sommes trop caves. Nous ne pouvons pas. Alors, on est obligé de faire des trous dans les murs pour faire des portes. On est obligé de faire des choses comme ça. Ça a certains avantages. Notre version tient sous nous autres. Mais c'est la même chose. Nous sommes dans un système de dimension qui est absolument différent. Alors, si on peut souvent poser des questions du point de vue de l'homme, du point de vue de Dieu, du point de vue des intentionnalisateurs des dieux, du point de vue des forces multitudiennes, du point de vue des systèmes extra-galactiques, du point de vue des systèmes universels, et super-universels ou créationnels, et on peut toujours posséder de façon inverse. On a le choix. Je suis dans l'océan, sur le plan planétaire, je prends un télescope, je le mets dans l'eau, je suis 15 pieds sous l'eau, et puis là, je regarde les oiseaux, je regarde le monde dehors. Et je me dis, tabarnouche, le monde dehors, il vole dans l'eau, il y a des choses bizarres. Des nuages avec le mélange de l'eau. Tu sais, j'ai une vision. Ça, c'est la vision de l'homme, de l'univers. Il est dans un contexte où toute la coloration est en haut de lui. Alors, quand il regarde, nécessairement, ce qu'il voit est très coloré. Et on a, par contre, le visuel de celui qui est à l'extérieur de l'eau, qui, lui, regarde l'eau et qui voit le poisson en bas. Tout ce qu'il a comme déformation, c'est que le poisson, il voit là-bas alors qu'il est là en réalité. Donc, il va avoir une diffraction lumineuse. Mais, lui, il voit les nuages comme ils sont. Il sait que les oiseaux volent dans l'air, pas dans l'eau. Et il sait que le gars, il est dans l'eau. Mais le gars dans l'eau, lui, est convaincu que tout le monde est dans l'eau. Ah, c'est la nuance. Quand on parle de Dieu, on regarde le ciel, le monde de la mort. Et là, tous les dieux sont dans le ciel. Hein? C'est évident. Ah oui, mais là, c'est parce que le gars là, ou la fille qui a tout créé dans le ciel, pareil. Mais non, on a le ciel entre nous. Fait que tout ce qu'on voit, le ciel est dedans. C'est coloré au côté. C'est très, très simple. Je suis dans un monde translucide, un monde de coups de lumière blanche, où on a différentes couleurs. Et je prends un fil, je le mets sur un trou, et je mets un gars dedans. Là, je dis, il y a plusieurs couleurs, et dans le trou, ben, je vois rouge. C'est mon fil. Mais le gars qui est dedans, lui, la lumière qui rentre, la colore tout en rouge, puis quand il regarde dehors, ben, il voit tout rouge aussi. C'est simple. Alors, il y a le point de vue de l'homme, puis il y a le point de vue de l'extra-humain. C'est sûr que si je m'en vais dans le trou de le gars, puis je lui dis, ben non, ce que tu vois tout rouge, là, c'est pas rouge. Il y a du bleu. Tu peux pas savoir ce que c'est que du bleu, tu n'as jamais vu. Il y a du jaune, il y a... Bref, il y a bien d'autres choses. Puis le gars dedans, il peut pas me croire. Tout ce qui l'entoure est rouge, puis ce qu'il voit, c'est rouge, à cause du fil. Puis si on sort à l'extérieur du contexte de l'homme, ben là, oui, là, ça vaut même pas la peine de parler de rouge, toutes les couleurs, puis les nuances. Vous savez, l'ordinateur Amiga a 4096 couleurs, il en manque. Fait que le gars dans son trou, lui, avec son rouge, il y a des problèmes. Et l'humain, c'est ça. L'humain, il est dans le trou, il a le filtre en haut qui est le ciel, le monde de la mort. Le ciel a une intelligence, a une raison d'être. Tout à l'heure, tu expliquais que ça sert de mémoire tampon. Mais si notre bonhomme dans le trou n'a pas les yeux pour supporter la lumière, on met un filtre. Alors la lumière extrêmement puissante de l'extérieur, l'intelligence, l'esprit, tombe dans le filtre. Et ce qu'il traverse, ben, le gars peut le supporter. Sauf que ce qu'il voit, il ne faut pas qu'il s'en fasse une conception de l'univers parce qu'il est placé du mauvais bord du filtre. C'est la nuance qui est quand même relativement importante. Daniel, lorsque le support que le corps fait... Seconde, quand on parle de bilocation, mais justement, tu as un œil qui te fait voir en dehors du fil, tu as un œil qui te fait voir dans le trou. L'être humain arrive à cette bilocation de conscience où il sait ce que le gars dans le trou voit, puis ce que le gars dehors du trou voit. Ceux qui sont dehors ne savent pas ce qu'il y a en dedans. Ce qu'il y a en dedans, c'est utile pour bien des raisons sur lesquelles on va revenir aussi. L'être humain, lui, c'est la solution à cette création. Il aura la faculté d'être humain et d'être suprahumain. Alors, donc, il sera un dieu humain ou un humain-dieu. Je ne parle pas du dieu du monde de la mort, mais disons que je fais référence quand même aux traditions spirituelles de 1990 ans, entre autres. Alors, la bilocation, c'est simplement ça. Tu as la faculté dans ta conscience d'être à l'extérieur de ce trou avec le fil et en même temps d'être dedans, ce qui te permet de pouvoir travailler avec l'humain qui est en dedans tout en ayant une connaissance extérieure, ce qui te permet aussi de pouvoir travailler avec l'extérieur de façon à les instruire de quelle manière ils doivent procéder. À ce moment-là, est-ce que tu es conscient de l'esprit? Quand tu as une bilocation, tu n'es pas conscient de l'esprit. Tu es de l'esprit. Tu es de l'esprit. À ce moment-là, l'ego s'est cassé complètement. Il n'y a plus d'ego. Quand la bilocation est totalement terminée, quand la fusion entre le double éthérique, qui permet la bilocation de conscience, est totalement terminée avec le corps physique, il n'y a plus d'ego. Il n'y a plus d'âme. Plus d'âme non plus. Et à ce moment-là, l'esprit se manifeste de façon intégrale. De façon intégrale, mais pas nécessairement comme le gars dans le trou veut avoir. L'esprit se manifeste comme bon lui semble. Lors 1990 ans, l'esprit s'est manifesté par des guérisons, par des résurrections. Mais tout le monde voulait, s'attendait que l'esprit se manifeste par des armes, chasser les Romains, bâtir des temples, envahir la planète Terre. Aujourd'hui, 1990 ans après la naissance du Nazaréen, mais les gens s'attendent à ce que l'esprit se manifeste par des guérisons. Alors, peut-être se manifester par les armes. Chose qui est sûre, c'est que l'esprit se manifeste dans le trou, comme le gars dans le trou ne peut pas s'attendre. Tout ce que l'humain pense, c'est tout sauf ça. L'esprit, la manifestation de l'esprit. Alors, tu vas dire, oui, mais l'esprit se manifeste soit dans un enfant pur, soit dans un vieillard. Il y a quelqu'un qui a de la barbe. Quand il en mange, je ne fais rien dedans. C'est l'esprit. Non. L'esprit se manifeste dans quelqu'un qui est jamais malade. Oh, il peut être malade. Ça n'a rien à voir avec le corps physique. Le corps physique n'est pas encore capable de supporter la dose d'esprit qui l'habite. Il y aura encore des symptômes d'adaptation, de mutation. Alors, il y aura encore des maladies. Ouais, etc. Lorsque le véhicule physique manifeste l'esprit de façon intégrale, est-ce qu'il y a des raisons de rester? Bon, quand un être humain a terminé sa fusion avec son double éthérique, donc quand l'être humain est devenu de l'esprit, qu'il y a une raison à ce que l'être humain reste sur le plan planétaire. Bon, ben, du point de vue du gars dans le trou, du point de vue du gars dehors du trou. Du point de vue du véhicule. Du point de vue du véhicule, oui. Parce que le véhicule s'en fout. Oui, je veux dire quoi? Je suis la question. Tu cherches les réponses. Une fois que l'être humain a sa conscience espritisée, du point de vue du véhicule, est-ce qu'il y a encore une raison ce qui reste à faire? Quand un être humain a un double éthérique, premièrement, lorsque l'être humain est capable de digérer ou de faire fuir son double anti-homme, l'ego entre autres, et son âme de chez lui, immédiatement il devient immortel. Premier processus, il ne peut plus se reproduire sexuellement parce qu'il n'a plus besoin de lignée familiale pour se réincarner. Donc, il devient nécessairement irreproductif. Il est immortel, le corps physique ne peut pas mourir, donc il est tout à fait désassujetti du monde de la mort, donc il est sauvé, du point de vue des spiritualités, il ne gagne plus le monde de la mort. Et nécessairement, il a un corps physique indestructible, invieillissable, intarissable, un corps physique avec lequel il peut jouer. Tout le monde joue un peu avec son corps physique, là. C'est pas ça que je veux dire. Il peut le rajeunir, il peut le vieillir, il peut le sexuer, il peut le donc en faire un corps femelle, un corps mâle, il peut le dissoudre. Bon, il peut le spockiser. Et il a la faculté, donc, d'avoir... aussi, il a la faculté de créer des copies de son corps physique pour pouvoir être à plusieurs lieux en même temps, dans un contexte de métal. Le Nazaréen a déjà fait cela, parce que quand le Nazaréen est parti en Judée, il est venu faire un tour aux États-Unis. Non, il est venu faire un tour en Amérique. Pas aux États-Unis, plus bas. Exactement. Il est venu faire un tour là-bas. Mais il est resté quelques jours. Là-bas, ils disent trois, mais il est resté plus longtemps que ça là-bas, parce que finalement, il est revenu là tout en restant ici. Est-ce que ça a été prouvé, ce que les Mayas... Oh, bah prouvé. Du point de vue de qui, encore une fois? Du point de vue de ceux qui suivent Moroni, c'est prouvé. Mais du point de vue qui suit... Du point de vue qui? De la science. Non, de la science, tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'ils ont réussi à ne pas être capables de prouver que c'était pas vrai. La science dit qu'ils n'ont pas réussi à prouver que c'était faux. Mais ils disent pas qu'ils ont prouvé que c'était vrai. C'est comme les extraterrestres. Tu ne pourras jamais prouver qu'il n'existe pas. Tu peux prouver qu'il existe, mais tu ne peux pas prouver qu'il n'existe pas. Même si on démentit toutes les apparitions extraterrestres, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. On peut être pas venu. L'humain est fait. Non, pour ça, c'est pareil. Ceux qui suivent Moroni disent que c'est prouvé. Ceux qui suivent Saint-Pierre disent que c'est pas prouvé. Alors, lorsque l'être humain arrive à cette conscience, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, lorsque l'esprit habite totalement l'homme, il n'y a plus d'ego chez l'homme. Donc, lorsque tu donnes une claque en plein visage à un homme nouveau, eh bien, ça ne le dérange pas. Normalement, l'homme nouveau, il esquive ta claque. Il ne la mange pas. Tu n'es pas un chrétien, c'est un homme nouveau. Bon. Alors, il n'y a pas de... Et lorsque tu... Quel serait le rôle de cet être humain fusionné avec son obétérique au niveau de notre plan planétaire? Eh bien, c'est simple, c'est qu'il n'a pas la faculté de Nazaréen, c'est-à-dire qu'une essence michaélienne avait la possibilité de regagner le monde de la mort pour absorber son faisceau totalement du point de vue d'une digestion évolutive. Celui qui va vivre un fusionnement du point de vue de son dobétérique le vivra en même temps qu'il y aura d'autres fusionnements du point de vue du dobétérique. Donc, il y aura, présentement, l'homme sur le plan planétaire est assujetti à une loi qui est celle-ci, c'est que notre union est chaque fois qu'un être humain s'associe à un être humain, il devrait savoir que leur union est limitée, qu'une rencontre est toujours le début d'une séparation. Dans le monde de l'homme, c'est comme ça. Tu te divorces, tu t'aimes plus, tu t'haïs ou tu meurs. Mais de toute façon, c'est comme ça. Sauf qu'à un moment donné, étant donné que l'union de l'homme est limitée du point de vue évolutif, il n'a pas la faculté, de toute façon, il est limité de A à Z. Premièrement, il meurt, c'est même limité au niveau de sa conscience. Quand il se réincarne, il ne sait même plus qui c'est qui a été. Puis qui a été au pluriel. Il y a une réincarnation pluralitaire. Lorsque l'être humain arrive à ce fusionnement, il devient ce que j'appelle l'homme nouveau, femme nouvelle ou un enfant nouveau, totalement, donc fusionné avec son dobétérique. Et lorsqu'il est là, eh bien, la problématique qu'il y a, c'est qu'il y a un faisceau d'énergie qui l'habite, qui est totalement imbriqué dans son corps physique et qui le fait rayonner, donc qui l'a éthérifié. Mais il y a aussi une division de faisceaux qui a aussi peut-être créé d'autres dobétériques ailleurs, et il y a d'autres humains. Et ces humains-là, dans leur corps éthérique, devront vivre une union limitée pendant un laps de temps, jusqu'à temps qu'ils finissent par s'associer pour créer une union illimitée. Cela veut dire que plus loin dans l'évolution de notre planète, il y aura des expériences de fusion entre des humains, entre des êtres, où on aura un mariage total, c'est-à-dire qu'on aura deux corps éthériques qui deviendront un corps éthérique. Parce que là, l'union sera illimitée. Alors, l'utilité de rester sur le plan planétaire, elle est premièrement, l'utilité est toujours la même que la nôtre aujourd'hui, c'est de récupérer le contexte, disons, de cette explosion créationnelle pour la ramener vers ce qu'elle a été à l'origine. Et on parle théologiquement de ramener le retour vers Dieu. Ésotériquement, on va dire le retour vers le centre source. Et de ma façon à moi, on va dire simplement la destruction de l'univers. C'est le rôle de l'homme. Bon. La destruction de tout. Pour finalement être échappé totalement à ce phénomène absolument densifié, temporel, Alors donc, il y a ces êtres éthériques qui auront comme fonction de continuer à vivre. Ils vont récupérer des personnalités qui vont mourir pour les digérer immédiatement. Il n'y aura plus de monde de la mort, mais il y aura d'autres personnes qui auront des doubles éthériques. Et ceux-là devront créer de l'expérience à travers le reste de l'humanité pour que le reste de l'humanité finisse aussi par créer un double éthérique ou finisse par être dilué du point de vue amique et égoïque, de façon à ce qu'à un moment donné, l'union puisse être illimitée. Et là, lentement, on vivra une fusion de 144 853 personnages planétaires qui se fusionneront ensemble pour finalement arriver à être 12. Parce que le 13e aura sacré son cabane avant ça. Et finalement, elle sera un cas. Mais ce ne sera pas sur la place du plan planétaire. Alors, on peut dire que le système humain, biologique, organique, plus éthérique, une fois fusionné, aura de l'utilité sur cette planète et la planète Terre aura encore de l'utilité évolutive à supporter cet être humain. J'ai encore pour un milliard d'années, près de 2,8 milliards d'années. Au-delà de cela, la planète Terre n'aura plus de raison de supporter notre condition. C'est sûr que tu te trompes. Ouf, de quelques millions d'années, mais je n'ai pas été plus précis. C'est quand même. Le temps étant élastique. Alors, on fait une pause et puis on revient. Vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quoi, vous les écrivez sur papier lisiblement et vous les amenez ici en avant.